qu'elle est vraie. Sacrifierai ma vie pour la tienne. Te donnerai de l'amour comme mes parents l'ont fait pour la mienne. Tu seras mon prince ou ma princesse. Je te porterai sur mes épaules. Je remarquerai quand tu vas mal. J'irai te chercher à l'école. J'espère être là quand tu feras tes premiers pas. Quand tu diras papa la première fois. J'espère être là. Tu seras mon univers, ma chère. Le battement de mon cœur. Je veux que tu sois mieux que moi et pas que tu refasses les mêmes erreurs. Le jour de ta naissance, ce sera la mort de ma jeunesse. Tirer un trait sur le porche et sur mes années d'ivresse. Mais pour l'instant, j'ai encore beaucoup d'épreuves à traverser. Te faire à cette heure-là serait un cadeau empoisonné. Prisonnier de mon sort, dans mon coin je rêve de toi. Le jour où je te prendrai dans mes bras est encore loin de moi. Ma vie est encryptée, a besoin d'un décodeur. Pour les futurs pères et mères, peut-être nos frères ou nos sœurs. A ton avis, faut combien de temps pour faire un enfant? Quelques minutes ou un peu plus de temps? Moi je dis, faut réfléchir avant de le faire. Faut pas que tu regrettes une fois qu'il sera sur terre. A ton avis, faut combien de temps pour faire un enfant? Quelques minutes ou un peu plus de temps? Moi je dis, faut réfléchir avant de le faire. Faut pas qu'il regrette une fois qu'il sera sur terre. Je les ai pleines pour le faire, mais pas pour l'accepter. Bien conscient de cette responsabilité, je fais en sorte de ne pas faire le lâche. Je veux pas le concevoir en sachant que j'ai rien pour lui. Je veux pas qu'on se fâche. J'ai pas encore le toit ni la femme qui t'en aura. J'espère ne jamais t'appeler par inadvertance. Car même ta conception a son importance. Aujourd'hui je réalise, pour pas que demain je puisse dire j'ai fait une bêtise. Chacun son choix, je pense que pour moi il est trop tôt. Pour moi à cette heure, tu serais plus qu'un fardeau. Je t'accepterai pas comme il le faut. Avec ta vie j'ai pas envie de jouer, je dis. Je te mérite pas encore, dehors c'est mort. Je tiens pas à ce que tu viennes me rejoindre dans mon triste décor. Je tiens à me ranger avant de te voir. Je tiens à faire les choses dans l'ordre avant de t'avoir. A ton avis, faut combien de temps pour faire un enfant? Quelques minutes ou un peu plus de temps? Moi je dis, faut réfléchir avant de le faire. Faut pas que tu regrettes une fois qu'il sera sur terre. A ton avis, faut combien de temps pour faire un enfant? Quelques minutes ou un peu plus de temps? Moi je dis, faut réfléchir avant de le faire. Je t'aurais fait avec amour en y réfléchissant à l'avance. Je te ferai pas le coup du père qui te marquera par son absence. Et quand je serai en colère, ça voudra dire que je tiens à toi. Que je ferai mon rôle de papa. Je t'apprendrai l'ouverture d'esprit comme on l'a fait dans mon enfance. À respecter les différences, tu vivras dans la tolérance. Puis le jour arrivera où tu voudras faire ta vie. Mais n'oublie pas que je t'aimerai toujours. Chaque minute et chaque seconde de ma vie. Pour l'instant je la vois loin de moi. Pour mieux te recevoir et non pas te décevoir. Je veux t'offrir une plus belle vie que la mienne. Dans mon secteur y'a trop de haine. Et je veux pas que tu grandisses dans ça. Je te promets de réfléchir avant de te faire. Et si un jour tu tombes sur son, n'oublie pas que ton père était sincère. Je te promets de réfléchir avant de te faire. Et si un jour tu tombes sur son, n'oublie pas que ton père était sincère. A ton avis, faut combien de temps pour faire un enfant? Quelques minutes ou un peu plus de temps? Moi je dis, faut réfléchir avant de le faire. Faut pas que tu regrettes une fois qu'il sera sur terre. A ton avis, faut combien de temps pour faire un enfant? Quelques minutes ou un peu plus de temps? Moi je dis, faut réfléchir avant de le faire. Faut pas qu'il regrette une fois qu'il sera sur terre.